Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Le théâtre a-t-il besoin d'être qualifié élitiste, populaire ? Car le moment théâtre n'est pas simplement celui de la représentation. Il y a ce qui se passe avant l'effervescence sur le boulevard. Il y a l'attente dans la salle où la vie bruisse au poulailler et dans les loges. Et soudain, le spectacle commence avec les rires, les pleurs, les applaudissements. Et bien sûr, il y a l'après avec les commentaires autour de la pièce. Et le moment du souper, les critiques, était-ce si bien que ça ? Lieu de rencontre et de convivialité du parterre au paradis, rendez-vous au théâtre. C'est le paradis, Frédéric. Je riais comme cela, moi aussi, autrefois. Mais j'éclatais de rire sans raison, sans penser à rien d'autre qu'à rire. Et maintenant ? Tu es triste. Non, mais je ne suis pas gay non plus. Dans la boîte à musique, un petit ressort s'est cassé. L'air est toujours le même, mais la musique a changé. Les Enfants du Paradis, le film de Marcel Carné, le scénario de Jacques Prévert. C'est une sortie en 1945 et qui nous conduit auprès de ce théâtre du milieu du 19e siècle. Bonjour Jean-Claude Dion. Bonjour Xavier. Dans Les Enfants du Paradis, on peut rappeler ce qu'est le paradis. Alors le paradis, qu'on appelle aussi le poulailler, c'est les places les plus hautes dans la salle, d'où ce nom de paradis, parce qu'on est proche du ciel. Poulailler aussi, parce qu'effectivement, c'est un public qui parle beaucoup, et donc ça fait un bruit de basse-cour. C'est le public populaire qu'on voit magnifiquement illustré dans ce merveilleux film. Ce qui veut dire que dans ce théâtre du 19e siècle, il y a tout en haut, au paradis ou au poulailler, un public populaire, et puis dans d'autres espaces, notamment les loges, un public plus huppé. La salle de spectacle au 19e siècle, dans des théâtres qu'on appelle à l'italienne, qui sont d'ailleurs plutôt à la française, on reviendra peut-être sur cette distinction, elle compartimente les spectateurs selon leur statut social. Au 19e siècle, on aime bien mettre les gens dans des cases, faire des stratigraphies. Et en même temps, et tout de suite je vais dire ça, ce public, il est quand même un. Il réagit de façon unanime au spectacle. Et donc, il ne faut pas voir la salle italienne uniquement comme quelque chose qui sépare, parce qu'on a une communauté, quel que soit son rang social. Le théâtre, c'est le moyen d'être ensemble et de se retrouver. Mais c'est très beau déjà de dire un lieu où l'on se retrouve, où l'on se rencontre. Nathalie Coutelet, bonjour. Bonjour. Vous êtes maîtresse de conférence au département théâtre de l'Université Paris 8. Avec, oui, c'est vrai, cette distinction. Hein. On parle de salle à l'italienne, alors salle à la française, c'est quoi ce distinguo à opérer ? Ce distinguo, alors je pense que Jean-Claude a utilisé cette expression parce que officiellement on parle d'architecture du théâtre à l'italienne, avec effectivement cette hiérarchisation des places, la manière qui change aussi la manière dont on voit le spectacle, mais il y a une sorte d'adaptation sur le modèle français, même si le terme à l'italienne est resté. Je ne sais pas si c'est résumé. La grande différence, c'est qu'effectivement, la salle à l'italienne, pensons à la Scala ou San Carlo, c'est un petit peu des cellules comme des cages à lapins. Enfin, les gens sont enfermés. Alors que dans la salle à la française, les loges ne sont pas totalement fermées. Et il y a cette idée que tout le monde se voit, tout le monde se regarde. Et qu'effectivement, le spectacle, il est autant dans la salle que sur scène. Et c'est encore plus marqué dans ces salles à la française où tout est fait pour que les gens puissent bien sûr voir plus ou moins bien ce qui se passe sur scène. Mais finalement, ce qui se passe sur scène, ça n'est qu'un élément d'intérêt parmi d'autres. Et donc, en fait, le théâtre, c'est un vaste salon où les gens se retrouvent et se regardent. Ah oui, c'est ça. En fait, il n'y a pas qu'un spectacle au théâtre. Non. Ah non, non, non, effectivement. Et d'ailleurs, chose que je répète toujours, mais je vais le redire encore une fois, la salle est éclairée pendant la représentation. Donc effectivement, ça change tout. On amènerait des comédiens du 19e siècle dans une salle de nos jours, ils auraient l'impression de jouer dans des morts vivants. C'est ça. Enfin, ce serait terrible. Alors effectivement, donc le modèle, c'est plus celui du stade de foot, où les gens effectivement sont là, participent au spectacle, ils se regardent et s'invectivent, se parlent entre eux. Donc c'est très très différent de ce qui est devenu le théâtre de nos jours, quelque chose d'un peu compassé. C'est à partir de quel moment que la salle s'obscurcit ? C'est la fin du 19e siècle, avec des chronologies variables, notamment Wagner a joué un rôle important à Bayreuth en obscurcissant la salle, parce que naturellement on venait à Bayreuth comme à la messe, donc il fallait être centré sur son œuvre géniale. Mais effectivement, c'est à la Belle Époque qu'on fait le noir dans la salle. Jean-Claude Dion, vous êtes directeur d'études à l'École pratique d'hautes études, titulaire de la chaire d'histoire des spectacles à l'époque contemporaine, avec, pour évoquer Les Enfants du Paradis, hein, le film qui était vraiment ce moment sensationnel du spectacle. On est dans les années 1840. Hein, les... Oui, 1830-40 à peu près, sur le marché de Juillet. Et puis, dans ce spectacle-là, il y a le avant-théâtre. Et le boulevard, c'est aussi du spectacle. Avant même d'entrer dans la salle, il se passe quelque chose. Alors, c'est vrai que les théâtres jouent dans l'histoire architecturale des villes au XIXe siècle un rôle central. C'est un bâtiment aussi important que la mairie, la cathédrale, la préfecture. Et quand il y a un théâtre, c'est tout le quartier en fait qui est contaminé en quelque sorte. D'ailleurs, ça engendre des problèmes de circulation monstres, parce qu'il y a beaucoup de gens qui doivent arriver à un certain moment, même si les gens arrivent de façon échelonnée, mais surtout doivent repartir au même moment. Donc des conflits, notamment pour les spectateurs qui viennent en voiture, qui va passer en priorité, etc. Et puis, aux abords du théâtre, par exemple, on vend des billets de façon illicite, on revend des billets. Alors, normalement, c'est interdit, mais la police, comme elle doit toucher en partie un peu, ça, elle est plutôt partie prenante qu'elle interdit ça. Quand des gens sortent pendant le spectacle, on leur donne encore, comme de nos jours, une contremarque. On revend la contremarque, etc. Donc, il y a toute une animation. Il y a aussi un café, tout, généralement lié au théâtre. Donc, c'est toute une vie assez extraordinaire. Et donc, ça se passe avant, pendant et après le spectacle. Avec, dans Les Enfants du Paradis, Garance, qui est Arletty. On ne peut pas passer à côté. Nathalie Coutelet, vous avez participé à cet ouvrage collectif Spectatrice de l'Antiquité à nos jours. Spectatrice, point d'exclamation, parce que cette histoire-là, c'est une histoire, nous le disons bien, de convivialité, de rencontre des hommes et des femmes. Oui, qui sont évidemment parfois dans les mêmes lieux. Bien sûr, les publics sont mixtes au théâtre, mais la raison d'être de ce volume, c'était aussi d'examiner comment les spectatrices peuvent avoir une activité un peu différente, comment notamment à la Belle Époque les femmes revendiquent des droits comme le droit de vote, ainsi qu'on le sait, mais pas seulement, elles revendiquent aussi le droit et d'écrire et de créer et d'aller voir des spectacles qui leur paraissent leur convenir. On déplorait beaucoup une sorte d'indécence du théâtre, etc. Donc les spectatrices vont militer à la fois pour voir des pièces écrites par des femmes et pour voir des spectacles dans lesquels elles ne seraient pas mises à mal, ou il n'y aurait pas d'indécence qui les blesserait. Donc on voit se constituer des réseaux féminins et féministes, dans un sens différent de ce qu'on entend aujourd'hui, qui anime une vie. Et parfois, on a aussi des publics féminins non mixtes. Je sais que ça fait beaucoup polémique ces questions de non-mixité aujourd'hui, mais on a déjà des réseaux qui sont en non-mixité féminine absolue à l'époque. Nous sommes à la fin du 19e siècle, oui. Avec ces phénomènes de réseaux qui se mettent en place. Jean-Claude Dion, c'est l'occasion de rappeler combien, et vous l'avez dit, le spectacle, c'est montrer la société et la place des femmes. C'était là aussi se montrer, mais pour les maris, montrer la beauté de leurs femmes couvertes de bijoux. Oui, alors effectivement, on s'habille pour aller au théâtre, et notamment quand on est... Quand on est une femme appartenant à certains rangs, on ne peut aller au théâtre qu'en loge. Et quand on est sur le devant de la loge, avec les épaules dénudées, son éventail, son paquet de bonbons, son bouquet, on devient presque une sorte de cariatide vivante qui participe à la décoration de la salle. Mais effectivement, les spectatrices ne sont pas acceptées pendant une bonne partie du siècle à toutes les places, notamment à l'orchestre. Et elles vont gagner la liberté d'être partout, alors, en posant des problèmes, parce qu'à la Belle Époque, il y a toute une polémique autour des chapeaux. Parce qu'effectivement, quand vous êtes au parterre, que vous avez une dame qui est là, qui peut pas venir en cheveux, comme on dit à l'époque, mais elle a son chapeau, et des chapeaux parfois très volumineux, quand vous êtes derrière, c'est un petit peu compliqué. Donc c'est quelque chose qui alimente beaucoup la polémique, le débat dans les journaux à la Belle Époque. Mais je pense que fondamentalement, le théâtre, pour tous les spectateurs et notamment pour les spectatrices, c'est un espace de liberté, un espace où on peut découvrir des choses. Alors bien sûr, ce répertoire bourgeois du 19e siècle, il reprend les codes de ce que doit être la femme dans la société, donc forcément dans une position subalterne. Mais en même temps, on a aussi beaucoup de pièces quand même, quand on y regarde de près, qui donnent à la femme un rôle plus important. Bien évidemment, je vais dire un mot sur Offenbach et toutes les grandes héroïnes, la belle Hélène, la Péricole, la grande duchesse sont des femmes de pouvoir, des femmes qui s'assument complètement. Donc aller au théâtre pour une spectatrice aussi, c'est parfois trouver des modèles et c'est encore une fois un lieu de liberté et de découverte. Jean-Claude Dion, biographe d'Offenbach, avec ce moment Second Empire que l'on peut évoquer parce que parler du théâtre du passé comme d'un tout, c'est une erreur, étant donné qu'au 19e siècle, il n'y a pas qu'un moment théâtre. Il y a plusieurs moments théâtre et liés au regard porté par le pouvoir sur ce monde du spectacle. Alors, tous les pouvoirs s'intéressent au théâtre parce que oui, une chose qu'on n'a peut-être pas dit depuis le début à nos auditeurs, c'est que vraiment le théâtre du 19e siècle, ça n'a rien à voir avec le théâtre de nos jours. C'est-à-dire que c'est une pratique culturelle qui concerne l'ensemble de la société, y compris les campagnes. Et qu'en fait, on peut avoir aussi une culture théâtrale sans aller au théâtre. Parce que les personnages, les grandes pièces, elles sont connues de tout le monde. La Dame aux Camélias, si vous êtes un paysan picard, vous n'êtes certainement pas allé la voir, mais il y a eu un spectacle de marionnettes qui vous en a fait une version en picard qui est passé dans votre village. Donc effectivement, cette culture, elle est partagée par tout le monde. Et par exemple, le théâtre lyrique aussi, on reprend les morceaux sur les orgues de barbarie dans les rues, etc. Donc il y a cette culture commune. Donc tous les régimes s'intéressent de près à ce pouvoir qui est aussi important que le pouvoir de la presse, avec une volonté de le contrôler, d'où ce qu'on appelle le système du privilège dont on reparlera peut-être un peu. Et le Second Empire va libéraliser les choses, mettre fin à ce système du privilège, reconfigurer la carte théâtrale parisienne, mais par exemple il va garder, et même la Troisième République va garder la censure jusqu'en 1905-106 parce qu'on a très peur de la parole théâtrale, la même idée dans un journal, dans un livre ou sur une scène, elle prend une ampleur et une force incroyable sur une scène. Donc même les républicains vont vouloir garder le contrôle. Hein, c'est une censure préalable. Donc tout ce qui se joue sur scène est déjà passé par la censure. Et finalement, de façon assez amusante et presque bouffonne, on parlait d'Offenbach, la seule façon qu'on va avoir de supprimer la censure, c'est supprimer le salaire des censeurs en 1905-1906. Et par cet artifice budgétaire, la censure va disparaître parce que la République n'a pas réussi à voter une grande loi de liberté comme elle l'a fait pour la presse en 1881. C'est malin ça, on supprime le salaire, donc on supprime voilà. Le censeur, donc on supprime la censure. Nathalie Coutelet, en écho à ce que vient de dire Jean-Claude Dion, nous saisissons combien pour ces spectatrices, mais pas seulement spectatrices, autrices, le théâtre est un enjeu de pouvoir, c'est aussi une tribune. C'est absolument une tribune qui va servir beaucoup les revendications. Je dirais que, en tout cas pour le répertoire que je connais de la Belle Époque, parfois, même si on sait que quand on travaille sur des œuvres du passé, il ne faut pas plaquer nos propres contextes, nos propres désirs de suite d'émancipation pour les femmes, le répertoire est parfois pas si violemment féministe que ça, parce que le premier objectif, c'est d'être joué. Donc, il faut quand même se plier un peu à ce qui va plaire, parce que c'est déjà très difficile pour les femmes de faire accepter leurs pièces. Comme l'a dit Jean-Claude, effectivement, c'est aussi une tribune, mais la difficulté par rapport au théâtre, dont il a rappelé à quel point ça peut faire peur, c'est déjà de passer les portes des directions théâtrales et qu'on accepte leurs pièces. C'est difficile pour tout le monde, quand on n'a pas un nom connu. Pour les femmes, ça l'est encore plus, parce que le public peut être un peu méfiant, d'où les pseudonymes. Bon, le plus célèbre, c'est évidemment George Sand, mais il y a plein de femmes qui ont des pseudos masculins. Mais effectivement, elles vont utiliser, je dirais, la presse, parce que beaucoup des femmes qui sont autrices commencent par le journalisme, en fait, essaient leur plume, rôdent leur plume dans le journalisme, et ensuite arrivent à passer par des réseaux, souvent par des réseaux de cercles féminins, culturels, artistiques, à jouer leurs pièces. Pas toujours, on a parfois dans les archives des pièces qui ont été publiées, mais jamais jouées. Ou jouer sans qu'on ait beaucoup de traces, parce que dans des formes de la suite des salons de théâtre de société, un entre-soi, pas toujours que féminin, mais voilà, où on n'a pas toujours beaucoup d'informations sur les conditions du spectacle, mais effectivement c'est un moyen, comme le disait Jean-Claude, aussi en tant que spectatrice, de se montrer. Moi je pensais, quand il parlait des spectatrices qui se montrent, je pensais par exemple aux celles qu'on appelait les grandes horizontales, dans une métaphore que je trouve extrêmement parlante, les courtisanes de l'époque, et qui qui sont à la fois décriées socialement et qui en même temps ont un statut que beaucoup de femmes très rangées envient parce qu'elles ont une liberté d'action, elles se montrent, et finalement il y a une espèce d'ambiguïté entre un rejet social et un statut qui est quand même très installé, notamment par le biais du spectacle. Avec une vraie connaissance de tout le monde de ces enjeux de société. Je rebondis sur ce qu'a dit Nathalie sur deux points. D'une part, elle a cité George Sand. On l'a oublié, mais George Sand a été vraiment un grand auteur de théâtre. Absolument. Beaucoup de succès, notamment à l'Odéon. Donc voilà, on a quand même possibilité pour une femme d'avoir vraiment du succès. Il n'y a pas beaucoup de cas. Il y a aussi Delphine de Girardin, la femme du célèbre journaliste. Première chose. Deuxième chose, tu as évoqué le fait qu'on pouvait publier ce qui n'avait été refusé. Parce qu'en fait, la censure s'intéresse à la parole prononcée. Mais un auteur peut très bien publier, c'est ce qu'a fait Flaubert par exemple pour sa pièce, pas très bonne entre nous, pardon pour les Flaubertiens, qui s'appelle Le Candidat. Il l'a publié en rajoutant ce que la censure avait supprimé, parce que donc la censure ne s'intéresse qu'à la parole parlée, parce que c'est ça qui fait peur, c'est ça qui peut déclencher des mouvements de foule, etc. Et d'ailleurs, c'est pas totalement faux, parce que la Révolution belge, elle est née d'une représentation de la Meute de Portici, donc c'est pas un fantasme, c'est réel. Mais par contre, on peut publier ensuite librement son texte, parce qu'une pièce lue, on en a beaucoup moins peur qu'une pièce jouée. Et oui, bien sûr, avec ici tous ces enjeux qui se jouent, mais pour évoquer la place des spectatrices et des autrices dans ce monde du théâtre, et vous avez raison, faut rappeler cette économie plus large, il est difficile pour tout le monde d'être représenté sur scène, et il y a tant et tant d'auteurs, d'autrices aussi qui essayent. Non mais, faut produire énormément, parce qu'il y a une vraie demande, mais enfin bon, il n'y a pas de la place pour tout le monde, faut assurer un succès derrière. C'est ça, il y a quand même une sorte de... Le terme, et c'est celui qui est utilisé beaucoup dans la presse à l'époque, de monopole, alors qu'il n'est pas un monopole institutionnel, comme ça a pu exister avec le système des privilèges, mais il y a quand même des auteurs, on parle aussi de trust, c'est un terme nouveau qui vient d'arriver, c'est beaucoup utilisé à la Belle Époque pour dire, voilà, il y a des auteurs qu'on voit sur toutes les affiches, et je veux dire, pour certains travaux, je pense que tu as dû le faire aussi, quand on regarde les personnes qui sont à l'affiche, on peut voir 3-4 noms qui sont à l'affiche de 5-6 théâtres, voire plus, et pendant que d'autres essaient absolument, et il y a des directeurs qui ont écrit leur mémoire et qui disent à quel point on les assaille de manuscrits et que, en gros, ça les embête, évidemment. Tout le monde veut être directeur de théâtre, veut être auteur de théâtre au 19e, comme de nos jours, ou je ne sais pas si c'est encore vrai, mais en tout cas, ça a été dans ma jeunesse. Tout le monde veut écrire un roman et le publier, mais tout le monde veut être sur scène parce que c'est. En plus, c'est la chose qui, en un soir, peut vous faire passer de l'ombre à la lumière. Donc c'est ça aussi ce qui est génial dans le théâtre. Plus qu'une édition. Ce côté immédiat, vous devenez tout de suite une célébrité. Et puis d'ailleurs aussi, c'est aussi pendant longtemps le seul moyen de gagner beaucoup d'argent en étant écrivain. Et puis il y a les auteurs contemporains qui représentent la concurrence. Il ne faut pas oublier, il y a tous les autres, ceux d'avant, les classiques. J'étais seul l'autre soir au Théâtre Français, où presque seul l'auteur n'avait pas grand succès. Ce n'était que Molière et nous savons de reste que ce grand maladroit qui fit un jour Alceste ignora le bel art de chatouiller l'esprit et de servir à point un dénouement bien cuit. Grâce à Dieu, nos auteurs ont changé de méthode et nous aimons bien mieux quelques drames à la mode où l'intrigue enlacée et roulée en feston tourne comme un rébus autour d'un mirliton. Ah là là, Alfred de Musset, on évoquait Georges Sand, il est là, nous étions en 1840, une soirée perdue, avec beaucoup d'humour, Musset qui évoque. Alors c'est classique parce que dans cette histoire du théâtre comme lieu de convivialité, il y a des genres, vous avez évoqué, Jean-Claude Dion, les privilèges, alors, c'est-à-dire que tous les théâtres peuvent pas jouer ce qu'ils veulent. Alors effectivement, Napoléon Ier, qui on le sait n'était pas un grand démocrate, a voulu contrôler la presse et contrôler les théâtres, qui encore une fois sont les deux moyens d'expression les plus importants à l'époque. Donc il a réduit le nombre de journaux de façon drastique, et aussi il a réduit les nombres des théâtres en réinstaurant un système qui existait sous l'Ancien Régime et qui avait été supprimé par la Révolution, par la loi Le Chapelier en 1791. Il a réinstauré une forme de système du privilège, c'est-à-dire que on limite à Paris le nombre de théâtres. Il y a 4 théâtres officiels, 4 théâtres secondaires, et puis dans ces théâtres, on ne joue qu'un certain type de pièces, pièces qui passent donc devant la censure, comme on l'a déjà évoqué, Ce système, il le met en place par 3 décrets en 1806-1807. Pourquoi 3? Parce qu'en fait, les décrets sont tellement mal faits qu'il faut le refaire une deuxième fois, une troisième fois. Mais en fait, ce système, quand il est instauré, il est déjà obsolète parce qu'il y a une telle demande du public qu'en fait, il va durer jusqu'à ce que Napoléon III, de façon très sage, le supprime par le décret du 6 janvier 1864. Mais quand il est supprimé, il était déjà dans les faits obsolète puisque on avait à chaque fois de façon exceptionnelle autoriser d'autres théâtres à se fonder. J'ajoute que ce système, il avait aussi un versant provincial très intéressant, c'est qu'en fait l'État contrôlait dans les départements la circulation des troupes. On avait découpé la France en arrondissements théâtraux qui regroupaient plusieurs théâtres, plusieurs départements. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que il y avait cette idée que le théâtre devait aller partout. Et donc, on est déjà dans une forme de décentralisation, de démocratisation théâtrale, parce que le théâtre est censé avoir un aspect civilisateur. Et donc, on obligeait les préfets, obligeait les troupes à aller même dans des villes où les troupes ne feraient pas d'argent, parce qu'il y avait cette idée d'amener le théâtre à l'ensemble de la société. Et ça disparaît avec le décret de 64. Et c'est vrai qu'ensuite, la vie théâtrale provinciale est un petit peu différente et moins riche. Avec cette idée de démocratisation, c'est vraiment important, hein, la démocratisation, au sens où nous sommes à une période où il n'y a pas la télévision. Le soir, quand on peut sortir, on va sur les boulevards, on va au théâtre, et ce que l'on dit là vaut partout en France, et parfois dans les villages aussi. Oui, hein. Et d'ailleurs, en fait, du coup, j'ai amené une petite citation, mais elle est très courte, mais pour vous montrer comment les pouvoirs locaux pensent qu'une salle de spectacle est quelque chose d'important. Hein, c'est un rapport du conseil municipal de la ville de Pontoise sur l'établissement d'une salle de spectacle. On est en 1825 sous la Restauration, et voilà ce qu'écrit le conseiller municipal. Vous allez voir qu'il a une belle plume. L'histoire des temps les plus reculés nous apprend que les hommes réunis en société n'ont jamais trouvé de véritable plaisir que dans le spectacle. La raison en est simple, c'est que ce genre d'amusement pris en commun rapproche les individus, entretient entre eux l'union qui est le premier besoin de l'homme civilisé, qu'il forme simultanément son caractère, son esprit et son cœur par la noblesse ou l'enjouement des objets toujours nouveaux dont il s'attache sans cesse à alimenter sa curiosité. C'est véritablement à cette école, donc le théâtre est une école, à cette école que les mœurs s'adoucissent, que les manières se civilisent et que la rudesse native s'évanouit insensiblement pour faire place à la politesse et à ses inclinations douce qui constitue l'harmonie et le charme des sociétés. Fin de citation, quand terme choisi, ces choses-là sont bien dites. Mais donc voilà, le théâtre, c'est un lieu de civilisation où les gens s'apprivoisent, apprennent à être ensemble. Et ça, c'est vraiment vrai sur l'ensemble du territoire tout au long du 19e siècle. Nathalie Coutelet, c'est ça, hein, c'est de l'éducation, le théâtre? Oui, c'est de l'éducation. D'ailleurs, c'est un terme qui a été beaucoup repris, notamment à partir de la fin du 19e siècle. Comme disait Jean-Claude, il y a eu cette idée qui était présente avec cette citation qui vient de partager avec nous. Elle va beaucoup innerver des tas de projets, puisque suite au décret remaniant le fonctionnement théâtral, effectivement, il y avait moins de vie, par exemple, théâtrale en province, moins cette circulation organisée des troupes. Et on considère, en tout cas certaines personnalités politiques, certains artistes considèrent que le théâtre est un outil d'éducation, voire d'émancipation sociale. Et on a la poussée avec le développement du syndicalisme. La loi sur les associations permet le développement du syndicalisme. Les progrès aussi de la scolarisation et donc de l'alphabétisation qui va permettre aussi de repenser les publics. Et on considère que le théâtre, ça a déjà été évoqué, cette parole prononcée en public a une force, un impact qu'a très différemment un roman, par exemple, et que on va utiliser ce moyen pour essayer de souder la population, ce qu'on appellerait aujourd'hui peut-être même aussi le vivre ensemble, et l'éduquer aussi à des principes républicains qu'on essaye toujours de promouvoir, et aussi de la langue française. Par exemple, il y a encore le combat sur la langue française au détriment des langues régionales. Et puis, ce monde du spectacle, c'est les acteurs, les auteurs, les actrices, les autrices, le public, bien sûr, mais pas seulement, il y a tous ceux, toutes celles qui travaillent en coulisses. Marie la fleuriste, puisque c'est ainsi qu'on l'appelle dans le quartier, va vous parler de ce que vous avez entendu dire. Dites, madame, je vais vous commettre une indiscrétion. Quel âge avez-vous donc? J'ai 82 ans. Monsieur. 82 ans, oui. Il y a combien d'années que vous vendez des fleurs à la porte du théâtre de l'Ambigu? 71 ans. 71 ans. C'est-à-dire, vous aviez 11 ans et c'était en 1885. que vous vous êtes installé à la porte du théâtre. Et qui avez-vous vu dans ce théâtre de l'ambigu, vous? J'aimerais que vous nous racontiez des choses que nous ne pouvons pas nous rappeler. Vous ne vous rappelez pas des deux bosses qu'on a joué à l'ambigu? Non, je n'étais pas né de Marceau non plus. C'est mélodrame, ça. C'est mélodrame. Et puis mais quoi d'abord, encore? On ne jouait que du mélodrame à l'ambigu, vous savez. Et qu'est-ce que vous avez vu d'abord, encore? D'abord, la première chose que j'ai vue, c'est la porteuse de pain, les deux orphelines, les deux le régiment. Et puis, qu'est-ce que vous n'avez pas joué un peu dans une pièce à l'ambigu parce que vous finissez de vendre les fleurs avant la présentation. Quand on a joué Roger Laron, comme il y avait des artistes beaucoup qui me connaissaient, il m'a amené avec eux. Puis alors j'ai défilé là, à la messe de minuit. À la sortie de la messe de minuit, vous avez figuré sur scène. Vous voyez, Marie la fleuriste était avant vous sur scène de l'ambigu. C'était en 1956 que s'exprimait Marie la fleuriste. Ses souvenirs, c'est très émouvant. Hein. C'est formidable, quel beau témoignage. Et effectivement. Cette fleuriste, elle était là parce qu'effectivement, donc tout à l'heure, j'ai évoqué ces spectatrices avec leurs bouquets, etc. Il y a aussi un élément tout simple, c'est qu'en fait, ça sent pas très bon dans les théâtres au 19e siècle. Notamment parce qu'avant qu'on électrifie les théâtres dans les années 1880, c'est un éclairage au gaz qui dégage des odeurs pas très bonnes. Il y a aussi effectivement l'odeur de toute la population qui est là, qui est rassemblée. Les salles sont un peu petites, il fait froid en hiver. Il fait trop chaud en été et donc on a besoin de parfums, on a besoin de fleurs un peu pour renouveler ça donc voilà. Et dans ce témoignage, ce qui était intéressant aussi, c'est que cette fleuriste qui a été aussi un peu figurante, elle nous parlait de pièces qui étaient en fait des romans populaires adaptés au théâtre, parce qu'effectivement il y a cette circulation toujours en permanente entre le monde de la presse, le monde du roman feuilleton et le théâtre. Dès qu'un roman a du succès, on veut l'adapter. Et donc, effectivement, le théâtre peut apparaître aussi comme une espèce de livre d'images extraordinaire où vous avez on parle beaucoup des Trois Mousquetaires en ce moment, mais Dumas lui-même a adapté ses pièces. Et effectivement, vous avez des D'Artagnan sur scène, vous avez des suites, des défis de D'Artagnan, etc. Parce qu'effectivement, c'est tout de suite toute la culture populaire qui se retrouve sur la scène. Avec des immenses succès au 19e siècle, les deux orphelines, etc. Un tantinet oublié aujourd'hui. Oui, mais en fait, il y a. Alors, si vous me lancez là-dessus, je peux faire un appel à tous les directeurs de théâtre. Je tiens à leur disposition une liste de pièces dont je suis certain que s'ils la reprenaient demain, ils feraient ça le comble. Hein. Donc, avis aux intéressés. Les ingrédients n'ont pas tellement changé entre les ingrédients de ces mélos qu'il est de bon ton de dénigrer, mais finalement, du rire, des larmes, un peu d'amour. Il y a peut-être, c'est peut-être moins coquin que certains films d'aujourd'hui. Mais ils ont été beaucoup adaptés, comme le disait Jean-Claude. On passe du roman feuilleton, grand succès pendant des années, au théâtre, et ensuite c'est adapté au cinéma. Le cinéma naissant va absolument reprendre. Et il y a des collègues de l'Université Paris 8 qui lancent tout un programme justement sur le mélodrame au cinéma et sur les adaptations, notamment, je vais intervenir sur La Porteuse de Pain, qui a été citée dans le petit extrait. Ça fait partie des grands succès de cinéma. Bon, moi, La Porteuse de Pain, je pleure quand même, j'avoue. Hein. C'est vrai. C'est quelque chose du mélo et qui marche très bien. Et Xavier, vous avez cité les deux orphelines. Pensons au film de Griffith. J'ai été le revoir il y a pas longtemps à la Cinémathèque, qui est une merveille. Et effectivement, donc c'est Eden Rie, qui est le grand maître du mélodrame. J'ai la chance d'avoir une doctorante, Pérangère Levet, qui travaille dessus. C'est du théâtre extrêmement efficace et qui était capable d'unir les gens. Parce que ce mélodrame populaire, et c'est encore un élément que je voudrais dire, ça plaît au peuple, mais ça plaît aussi aux bourgeois. C'est-à-dire qu'en fait, on a des genres qui sont dirigé vers certaines couches sociales, mais en gros, encore une fois, le théâtre, j'insiste peut-être un peu lourdement là-dessus, c'est quelque chose qui fédère. Donc tout le monde a les mêmes références. Que vous soyez effectivement un petit bourgeois de Mont-de-Marsan ou effectivement vous ayez un hôtel particulier au Faubourg Saint-Germain, vous avez les mêmes références culturelles. Et ça, c'est un point très important. Et ce sont des références genrées. Je pense au mélodrame. Hein. Il y a ce cliché que c'est un spectacle destiné à une population plus féminine, etc. Est-ce que ça, c'est une construction que nous avons historique? Je pense que c'est une construction qui va avec les stéréotypes qui perdurent d'ailleurs d'une société qui est toujours hétéropatriarcale, disons-le. Alors, que ça plaise aux femmes, bien sûr, mais ça plaît aussi aux hommes, comme l'a dit Jean-Claude. Il n'y a pas de distinction de classe sociale, il y a vraiment des goûts très partagés. Et d'ailleurs, dans les obligations sociales, mondaines, scène, on peut aller dans certains théâtres, on sait très bien que le public, ça en a des traces, ça a été documenté, travaillé, adore aller voir le mélo, quelle que soit sa classe sociale, et donc ça c'est sur le milieu, mais les femmes aiment les mélodrames comme les hommes, et je pense qu'il y a peut-être moins d'interdits, alors je m'aventure peut-être un peu, pour les hommes de pleurer au mélodrame. Je pense que ça s'est un peu durci dans les stéréotypes virilistes après. Je pense qu'il y a moins cette image-là. La phrase très célèbre, c'est pour les deux gosses, cette phrase qui disait que là, les mouchoirs ne suffisent plus, il faut venir avec des draps de lit, parce que on va beaucoup pleurer. Elle est très connue, mais je pense qu'elle dit bien ce qu'on vient chercher au mélodrame, en fait. Mais c'est vrai que le théâtre est un, pour l'histoire des émotions, au 19e siècle, un lieu extraordinaire. Parce que là, on vient de parler des larmes, mais on pourrait parler du rire aussi, effectivement. Et donc, quoi de plus fédérateur qu'une salle entière qui rit, qui est secouée par des cascades de rire. On parle parfois pour certaines pièces de Feydeau, le fait qu'à un moment donné on n'entend plus rien parce que les gens rient de façon tellement continuelle que les acteurs on a l'impression que c'est du cinéma muet parce qu'ils parlent mais on les entend plus, etc. Et donc effectivement le théâtre c'est l'école aussi des émotions. Parlons du rire. Est-ce qu'il n'y a pas des réactions différentes selon la catégorie sociale du public? C'est-à-dire, pour un même théâtre, par exemple ici, est-ce que le public de l'orchestre et celui des petites places rient de la même façon et aux mêmes endroits? En gros, oui, mais il y a tout de même des nuances. Enfin, il y a certaines choses qui sont plus ou moins ressenties par un public, qui sont plus ou moins marquées aussi par un public. Il y a la réaction d'un certain public qui est peut-être plus réservé sur certaines choses, un autre qui lui donnera plus d'importance. Oui, c'est une question d'extériorisation. Il est certain que le public populaire rit d'une façon plus éclatante que le public des classes supérieures qui retient davantage son rire. Acteur, auteur dramatique, metteur en scène, directeur du Théâtre de la Madeleine, c'est André Roussin qu'on vient d'entendre s'exprimer dans l'émission Plein Feu sur les spectacles du monde. C'était en 1955. Alors ici, une lecture sociale du rire. Est-ce que c'est valable pour le 19e siècle? Moi, je dirais que non. Moi non plus, effectivement. Je pense qu'effectivement, enfin, les bons auteurs dramatiques, et Dieu sait si le siècle n'en manque pas, ils savent faire des pièces où même ils vont déclencher différents types de rires. Les gens vont rire peut-être en même temps, mais pas exactement sur les mêmes choses. Et voilà, les pièces... quand elles sont bien faites, elles s'adressent à des différents publics. Chacun fait sa lecture et chacun repart avec sa pièce. Les mauvaises pièces, c'est celles qui ne sont compréhensibles que par un type oui, de public. C'est ça. Oui. Avec l'autocensure qu'on a des émotions, dont on avait parlé de Jean-Claude, de cette école des émotions, on se rend compte que, voilà, nous aussi, on a intégré des codes de comportement qui sont pas du tout ceux du 19e qui vont se lisser, voilà, ça va se normer, mais il y avait une liberté dans les émotions. Alors peut-être que selon aussi les personnalités, certaines personnes retenaient plus leur rire, voilà, étaient plus discrètes, mais c'est quelque chose qui appartient plus au XXe siècle, de ne pas faire trop de bruit, si c'est drôle de ne pas trop rire, si c'est triste de ne pas sangloter, voire de ne pas tousser même si on est malade, parce que ça va déranger, c'est quelque chose qui est plus tardif. Oui. Et d'ailleurs, j'ajoute aussi un élément par rapport aux réactions du public, que ce soit le rire, les applaudissements, les pleurs, c'est qu'on a quelque chose qui va disparaître à la fin du siècle, mais qui est très important. La claque. Qui est la claque, effectivement, c'est-à-dire qu'en fait... les directeurs et les auteurs guident le public en ayant instauré avec un chef de claque et donc des spectateurs payés qui viennent, qui ont assisté aux répétitions. On leur a dit vous devez rire à tel moment, vous devez vous évanouir à tel moment, vous devez pleurer. Ils sont très bien répartis dans toute la salle et donc ça guide les réactions du public, un peu comme d'ailleurs dans des émissions de télé ou des séries où il y a des rires enregistrés qu'on entend derrière, etc. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au fur et à mesure du siècle, le public va de moins en moins accepter ça en disant mais je suis quand même libre d'avoir ma propre opinion, on va pas me guider. Et donc la claque disparaît à la Belle Époque avec des chronologies différentes selon les théâtres. Donc là aussi, pour s'assurer le succès, on prépare les réactions du public. Ah oui, c'est quelque chose que nous avons du mal à imaginer. Le spectateur a son libre arbitre, c'est à lui seul de juger. Mais en fait, on est orienté obligatoirement par l'auteur lui-même et puis par le reste du public, oui, toujours. Le théâtre, c'est de la manipulation. Toujours de la manipulation. Je vais vous faire écouter une archive. Elle date de 1949. Oh, pièce de théâtre, c'est le Cid. Mais vous allez me dire si ce qui se passe là est possible au 19e siècle. Les spectateurs s'interrompent, il y a du bruit. L'extraordinaire arrive, la pièce est interrompue. J'ai pu délibérer si j'en prends la vengeance. Réduite à te déplaire ou souffrir à la fronte, je pensais qu'à son tour, mon bras était trop prompt. Il y a un grand malentendu. Le malentendu doit être le suivant. C'est que nous ne sommes pas des images. Nous sommes comme vous, de chair et d'os. Nous ne sommes pas sur un écran. Tout ce qui se passe entre nous au théâtre, nous le vivons immédiatement avec vous. À partir du moment où vous discutez, où vous êtes venu pour autre chose, nous ne pouvons plus nous exister sur le plateau, ça ne va pas du tout. Alors c'est pas de la discipline, c'est bien sûr pas l'école, et c'est sûr que c'est pas la télévision et pas le cinéma. Et jusqu'à présent, vous n'êtes pas un public de qualité. Alors je vous demande, à la suite maintenant, on va reprendre la scène au début, de nous accompagner dans ce poème de Corneille. Je fais ce que tu veux. Mais sans quitter l'envie de finir par tes mains ma déplorable vie. Pareil incident suscite réflexion. À qui la faute ? Professeur, élève, comédien ? La valeur d'un spectacle vivant s'appuie aussi sur la valeur de son public. Encore faut-il, lorsqu'il est jeune, qu'on le prépare et lui apprenne l'art de l'écoute. Ah ben non, mais ça rigole pas au théâtre du Marché aux Grains. C'est Boeswiller, c'était dans Alsace Soir. Ici, le public fait du bruit, les acteurs cessent le spectacle. Imaginable, 19e siècle ? Non. Non, les acteurs déjà, auraient continué. Oui. Déjà, il était interdit aux acteurs de s'adresser au public. Et le public, en fait, il va aussi au théâtre avec un sentiment de supériorité sur les acteurs. C'est-à-dire que c'est très ambigu. À la fois, on les adule, mais en même temps, on sait bien, ils ont un statut social au 19e siècle qui est encore problématique. Et donc, le public aime bien montrer sa supériorité par rapport au théâtre. Et donc, si jamais un acteur se permettait, ce qui arrive parfois, d'interpeller le public, là, c'est la bronca absolue, on arrête. L'acteur doit venir faire des excuses, un genou à terre quand même. Hein. Et un autre élément d'ailleurs de puissance du public sur les acteurs, c'est que les contrats d'engagement, pour être validés, l'acteur doit faire des débuts. C'est-à-dire se présenter dans trois pièces et le public vote ensuite. Alors, ce qui donne généralement lieu à, pardon le terme, à un bordel indescriptible, parce que les façons de vote, ça peut être à l'applaudissement, ça peut être des systèmes de boules, etc. Mais donc, du coup, là, c'est un peu les jeux du cirque, parce que le public, quand il veut pas d'un acteur, va être d'une méchanceté totale. Donc, cette supériorité qu'ont les spectateurs en venant au spectacle sur les artistes, font que ce qu'on vient d'entendre là serait impossible, effectivement, au 19e siècle. Oui, là, on est en 1992, dans ce théâtre où, bien sûr, nous avons tout cet héritage, celui du 20e siècle. Le théâtre du 19e siècle, c'est ce théâtre que vous nous avez présenté comme un panorama génial et sensationnel, hein, où la société se croise, se met en représentation et où l'on trouve ses spectatrices. Alors, expliquez-nous, Nathalie Coutelet, comment se construisent ces réseaux féminins d'autrices et de spectatrices? C'est quelque chose que nous avons du mal à imaginer aujourd'hui. Ça vient notamment de mouvements à la fois d'émancipation féminine, comme je le disais tout à l'heure, mais aussi de cette difficulté à accéder, que ce soit à l'édition un peu plus facilement, mais en tout cas au théâtre. Et donc les femmes vont réagir en créant des entre-soi féminins. Alors on a certains réseaux qui se créent un peu sur le modèle des clubs masculins. C'est aussi la grande époque des clubs masculins inspirés du modèle anglais. Très chic, et les femmes vont créer aussi des clubs dans lesquels non seulement elles se réunissent, prennent le thé, etc., mais ont des activités artistiques. On a un peu l'héritage des salons finalement, mais assez souvent ces clubs sont uniquement féminins parce que la bienséance veut qu'elles ne soient pas mélangées avec ces messieurs, et de la même manière que les clubs masculins sont interdits aux femmes. Et donc il y a l'idée aussi de préserver réservé. Et dans ces clubs, on va avoir aussi des femmes qui sont des autrices. Je pense au Lyceum Club, qui est une filiale du Lyceum qui a été fondée à Londres. Il y a une, voilà, il y a une filiale qui s'ouvre à Paris avec la Duchesse d'Uzès, donc qui a quand même un certain statut. C'est aussi une des premières femmes à passer son permis de conduire, etc. Et qui la première à avoir eu c'est une propre danse aussi. C'est aussi voilà, bah oui, ça va avec. Hein. et qui ouvre des sections, dont une section théâtrale, par exemple. Et on joue des pièces de théâtre. Il y a des auditions poétiques, musicales. Il y a des activités artistiques qui vont permettre d'étoffer des réseaux. Je pense aussi à un journal comme celui de La Française, qui est un des premiers journaux féminins. On a eu La Fronde avant, qui va ouvrir un cercle, au départ qui s'appelle le Cercle de La Française, et qui s'appelle ensuite La Halte, qui vont être des cercles réunissant principalement des autrices et des passionnés de théâtre, qui veulent essayer de faire en sorte d'unir leurs forces pour peser davantage. Et commencer à faire représenter des pièces d'abord dans cet entre-soi, une forme de théâtre un peu parallèle qu'on appelle le théâtre à côté, parce qu'on n'est pas dans les théâtres très installés, très très connus. Il n'y a pas de salle qui leur est attribuée. Et puis espérant que cette petite notoriété va leur permettre de gagner des salles plus cotées, parisiennes notamment. Donc, c'est vraiment un champ de bataille, ce monde oui. du spectacle. Et est-ce que vient d'évoquer Nathalie, à travers ces théâtres à côté, parce que jusqu'à présent, on a parlé des théâtres publics, des théâtres officiels, parce qu'en fait, le théâtre, au XIXe siècle, c'est sa force, il diffuse très largement, en dehors même des lieux proprement théâtraux, et donc, ce que tu as évoqué, c'est ce qu'on appelle les théâtres de société, les théâtres amateurs. Dans le théâtre, on est toujours à la frontière du public et du privé. Et donc, les gens font du théâtre chez eux, d'ailleurs, parfois avec des salles très, très développées et magnifiques. Et donc certaines sont devenues, éventuellement, comme le théâtre du Ranelagh, ensuite des théâtres publics. Mais au départ, c'était le théâtre de Monsieur Morse dans son hôtel particulier. Et il avait installé un magnifique théâtre. Donc, le théâtre est présent aussi dans la sphère privé. Et puis aussi un autre élément qu'on n'a pas encore évoqué, c'est que à côté des théâtres, proprement dit, il y a les spectacles. C'est-à-dire qu'il y a d'autres lieux, et des lieux que connaît très bien Nathalie, encore mieux que moi, les cafés-concerts, les musicals, les cirques, qui vont petit à petit concurrencer le théâtre. Le théâtre va s'embourgeoiser, devenir quelque chose d'un peu plus compassé, va devenir ce qu'il est devenu au XXe siècle. Et puis donc, ces autres lieux, cafés-concerts, musicals, cirques, plus tard, tout ce qui est spectacle sportif, les matchs de boxe, les matchs de foot, le cyclisme, etc. Le cinéma, bien évidemment, vont amener une forte concurrence. Et une partie des pratiques qu'on a évoquées, cette liberté de ton, d'allure, etc., alors que le théâtre devient plus sérieux, qu'on fait le noir dans la salle, etc., et ben, ce sont ces autres lieux qui vont récupérer cette liberté, et notamment le café-concert, qui est vraiment le grand rival du théâtre à partir de la fin de mars de juillet. Et donc, c'est pour ça, d'ailleurs, que moi, au départ, j'étais spécialiste d'histoire du théâtre, et finalement, mon séminaire, je l'ai appelé histoire des spectacles, parce que le mot théâtre, même s'il a une acception plus large au XIXe siècle, c'est à la fois le théâtre dramatique, le théâtre lyrique, mais il n'englobe pas toutes les formes spectaculaires, et on a cette concurrence et ce foisonnement de lieux à la Belle Époque qui annonce le XXe siècle. Véritable phénomène, le café-concert. Voyageurs pressés qui toujours couraient la Canebière et le Vieux-Port, connaissez-vous le cours Belzunce? C'est le forum de Marseille dans toute son odeur et sa force populaire. C'est là que bat depuis 100 ans le cœur du music-hall marseillais, dans ce vieil alcazar dont voici le fronton, et qui est en quelque sorte, depuis un siècle, l'opéra du café-concert. Voici l'alcazar le jour même de son inauguration, en 1857. On l'appelait alors l'alcazar lyrique. Et voici dans leurs atours les membres de la première équipe de cet illustre théâtre. Sur la gauche, celui qui fut l'égal de Varna, de Dufresne, de Razimi, de Mitty Goldin. Ah oui, le père Franck. C'était vraiment un grand bonhomme. L'Alcazar à Marseille, présenté dans l'émission Dimanche en France en 1959. C'est ici une histoire, et nous le disons, nous le répétons, mais il faut vraiment le souligner, qui n'est pas une histoire que parisienne. Ce sont toutes les villes qui sont concernées. Et le dire aussi, c'est pas simplement une histoire de grandes villes, ça concerne aussi les villages. C'est partout. Oui. Mais peu cher, vraiment, merci monsieur, monsieur Xavier d'avoir rendu hommage à la ville de Marseille qui effectivement d'ailleurs a même inventé un genre particulier qui est l'opérette marseillaise qu'on va retrouver avec Fernandel et au XXe siècle. Oui, Fernandel, alors c'est une personnalité qu'on connaît bien par le cinéma qui a commencé par le café-concert et le musical, mais effectivement, même s'il y a beaucoup de café-concerts à Paris, il y en a aussi beaucoup en province, parce que c'est beaucoup plus facile à ouvrir qu'un théâtre, jusqu'à à peu près à la fin des années 1860, sont assimilés aux marchands de boissons. Donc il suffit d'avoir la licence de marchand de boissons et on a l'autorisation d'ouvrir un concert. Donc il y en a dans les petites villes assez facilement, parce que une fois que ça se sait, comme le disait Jean-Claude, tout se sait avec la presse, les gens lisent beaucoup la presse, et en province les gens veulent avoir la même chose qu'à Paris. Donc ça fonctionne beaucoup, c'est souvent le divertissement local. Puis l'avantage du café-concert, quand disait Jean-Claude tout à l'heure, toute cette sociabilité très facile, qui n'est pas compassée, c'est le café-concert notamment qui va la récupérer, parce qu'alors dans une première phase, on ne paye pas l'entrée. L'entrée est dite libre, même si il faut consommer et renouveler la consommation si on veut rester. Et puis, il y a un programme en continu. Et ce sont, dans les années 1870, disons quelques centimes le boc de bière, qui est la boisson privilégiée avec le verre de vin. Donc, c'est accessible à peu près toutes les classes sociales. Et elles s'y retrouvent aussi dans ces cafés-concerts, où on va voir des artistes qui sont maintenant dans des légendes. Je pense à Teresa, par exemple, qui ont marqué l'histoire de la chanson et qui ont commencé dans des tout petits cafés-concerts. Jean-Claude parlait aussi tout à l'heure de ce bruit du poulailler, ainsi nommé parce que caquette, on fait beaucoup de bruit. Le café-concert le plus populaire, c'est celui qu'on appelle un beuglant. Non seulement parce qu'on y chante fort, mais parce que il est d'usage que le public reprenne en chœur les refrains. Le public veut chanter au théâtre, Jean-Claude disait, le public donne son avis, y compris sur l'engagement des artistes. Au café-concert, on vient aussi pour chanter. Et c'est vrai qu'au moment où le théâtre, petit à petit, devient plus sérieux, plus bourgeois, plus réservé à une élite, le public est notamment populaire, mais pas que, parce qu'au café-concert aussi, les bourgeois viennent pour, entre guillemets, s'encanailler. On retrouve une liberté de mouvement. Par exemple, on peut très facilement, et ça je pense c'est aussi un élément du succès du café-concert, on peut fumer au café-concert. Normalement, c'est interdit. C'est interdit dans les théâtres aussi. Et puis, il y a cette question des incendies. Beaucoup de théâtres brûlent au 19e siècle. Mais en gros, on a beaucoup plus de tolérance au café-concert. Et puis, comme tu le disais, Nathalie, le type de spectacle est complètement différent. Et je pense que là, on passe vraiment d'un régime d'attention à un autre. C'est-à-dire que quand on va au théâtre, même si d'ailleurs les soirées théâtrales sont très longues, il y a plusieurs pièces, personne ne reste toute la soirée. C'est vraiment construit comme une sorte de soirée télé avec un access prime time, une grande pièce, une petite pièce, etc. après. Mais quand même, c'est quelque chose de structuré. Une pièce, on peut pas vraiment la prendre au milieu, etc. Alors qu'en fait, au café-concert et puis au music hall, on a d'ailleurs aussi parfois du théâtre, du répertoire théâtral, des opérettes, des vaudevilles, mais courtes. Et puis surtout, on a une succession de numéros qui fait qu'on peut rentrer et sortir à n'importe quel moment. Et donc, il y a cette liberté extraordinaire qu'offre le café-concert à un moment où le théâtre devient un peu plus compassé. Et ça, c'est quand même une grande évolution de la vie des spectacles au 19e siècle, en gros à partir du Second Empire. Et ce qui explique aussi pourquoi au 20e siècle, certains vont vouloir rendre ce théâtre de nouveau populaire. En fait, c'est pas rendre le théâtre populaire, c'est plutôt lui redonner ce qu'il est par son essence. Oui. Mais précisément, donc à la Belle Époque et ensuite, si on se met à parler de théâtre populaire, de théâtre du peuple, c'est bien parce que le peuple a quitté le théâtre. Avant, dans la première moitié du siècle, on se posait pas la question. Tout le monde allait au théâtre. Mais effectivement, le peuple allant soit d'ailleurs vers des salles un peu spéciales, des salles populaires comme les théâtres de ce qu'on appelle les théâtres de banlieue à Paris, qu'on trouve dans les arrondissements périphériques et qu'on continue d'ailleurs d'appeler théâtres de banlieue même quand ils sont intégrés à la ville de Paris à partir partir de 1860, le public populaire va prioritairement ailleurs, dans ces lieux pas chers, comme tu l'as dit, où on boit en plus, où on fume, où on rentre, où on sort, qui sont des lieux d'ailleurs aussi de prostitution, il faut le dire, assez marqués, comme étaient aussi les théâtres, mais de façon un peu différente. Des lieux aussi où on a des promenoirs, c'est-à-dire on peut marcher, on n'est pas obligé d'être assis, etc. Et donc là vraiment, il y a une autre façon de consommer le spectacle qui est beaucoup plus attractive. Oui, parce que c'est ça, hein, ça reste du spectacle. Le but de tout le monde, c'est que le spectateur, la spectatrice passe un bon moment. Il va revenir, il va en parler autour de lui. C'est ça, c'est ce grand jeu de ce monde dans lequel nous croisons ces spectatrices. Ce mouvement-là, très féminin, c'est quelque chose qui se poursuit avec ce que l'on a évoqué, c'est-à-dire ce théâtre qui voit peu à peu partir toute une catégorie populaire qui va plutôt se rendre au café-concert. Oui, alors les femmes qui essayent de devenir autrices de façon très officielle, disons, jouées, du coup se mettent dans ce registre d'un théâtre, effectivement, qui est plus sérieux, plus codé, etc. Et c'est dans celui-ci qu'elles veulent rentrer, parce que c'est celui qui est reconnu. Mais on a aussi des autrices qui vont produire des formes plus facilement pour le café-concert, ou des artistes de café-concert qui vont devenir autrices en profitant de leur notoriété acquise dans des lieux un peu plus métissés socialement, pour construire leur réputation. Et puisqu'on parle du théâtre à côté, Nathalie Coutelet, pouvez nous dire un mot de la grimace? Qu'est-ce que c'est, la grimace? La grimace, oui, c'est, alors, ce qu'on appelle un théâtre à côté, c'est à côté des théâtres installés. Pour commencer, souvent, ce sont des théâtres qui n'ont pas de théâtre, qui s'intitulent théâtre, mais on peut même pas parler de troupe ou de compagnie parce qu'il n'y a pas de troupe fixe. Ce sont souvent des passionnés de théâtre qui lance un projet théâtral. Et moi, je compare souvent ça, en tout cas quand je fais cours, ces théâtres à côté, à des financements participatifs qu'on connaît bien aujourd'hui. Quand on veut lancer un projet, on va faire un appel à la générosité des personnes. Par exemple, vous donnez quelques euros et vous aurez, si le spectacle a lieu, une place. Bon, c'est exactement ce fonctionnement-là. Et la Grimace est un de ces nombreux, très nombreux théâtres à côté. C'est Fernand Bastide, comédien, passionné de théâtre, qu'il a fondé et qui louait, quand il avait réuni assez de fonds, donc par les souscriptions, qui louait des salles et qui donc se débrouillait pour répéter le spectacle qu'il désirait monter auparavant. Et la particularité, c'est que c'est comme beaucoup de théâtres à côté, ne joue pas des auteurs déjà très connus. Bon, il y a aussi la question des droits qui peut expliquer que c'est un peu difficile, mais il y avait aussi le projet de faire découvrir de nouveaux auteurs et autrices, puisque la Grimace a fait jouer aussi des autrices, des femmes, de faire découvrir à un public des personnes qui débutaient et qui n'étaient pas toujours, qui n'étaient en général pas du tout connues. Un théâtre à côté, la Grimace de la Belle Époque aux années folles, c'est votre ouvrage, Nathalie Coutelet. Jean-Claude Dion, ce monde du théâtre que nous évoquons depuis tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a quelque chose presque, je ne peux pas dire triste, parce que ce moment théâtre encore aujourd'hui, c'est toujours exceptionnel, mais il est très différent du 19e siècle, et dans l'histoire de la convivialité du lieu de rencontre, c'est vrai qu'il y a eu un moment qui était très 19e siècle, qui est peut-être moins le cas aujourd'hui. Oui, mais moi ce qui me frappe, et vous allez me dire aussi Xavier si c'est ce que vous ressentez, quand on va en théâtre quand même, les gens sont heureux d'être là. C'est bon, alors, il y a la question par exemple de est-ce qu'on mange avant, après, comment on fait, etc. La question des moyens de transport, si ça se termine tard, comment on revient. Il y a toutes sortes de problèmes pratiques, et puis aussi comment on a acheté ses places. Enfin, maintenant on les achète beaucoup sur internet, etc. Ça reste quand même, je pense que le théâtre est vraiment une fête. Ça reste, et même quand on va voir une tragédie très sérieuse, etc., il y a cette magie de se retrouver avec l'ensemble des spectateurs, de faire corps, etc. Au 19e siècle, il y a beaucoup la métaphore de l'électricité. Il y a une sorte d'électricité qui passe dans tout le public et qui rassemble les gens. Et ça, je crois que c'est encore vrai. C'est-à-dire que, bon, les théâtres, depuis le Covid, ont beaucoup de problèmes. Ils réduisent leur nombre de représentations, etc. Mais moi, je pense que le théâtre, dans son histoire millénaire, a connu des hauts et des bas. Mais je pense que le théâtre continuera encore parce que cette façon d'être ensemble dans une salle, cette co-présence, pour envoyer employer un mot un peu pédant, entre la salle et la scène, c'est quelque chose que ni Internet, ni les réseaux sociaux, ni rien ne peut offrir. C'est quand même quelque chose de magique. Et donc, le 19e a été un grand moment par rapport à ça. Mais je pense que, fondamentalement, la magie, elle est encore là. C'est très important ce que vous venez de dire, Jean-Claude Dion, et c'est ce qu'il faut souligner et rappeler sans cesse avec le besoin de médiation. Mais c'est ce que vous faites aujourd'hui, simplement rappeler que il y a des places très accessibles aujourd'hui. On le voit bien, chaque théâtre propose des places accessibles et ce moment-là, ben, on ne peut le vivre que là. C'est d'ailleurs la limite pour l'historienne, l'historien du théâtre. Ah oui. C'est ce moment théâtre, on ne peut pas y assister, ah bah oui, celui du passé. On travaille sur l'éphémère et d'une certaine façon, là je reprends ma casquette d'historien, la représentation théâtrale, c'est l'exemple type de l'événement historique. Avec le fait qu'en fait on ne peut que l'appréhender par des biais divers mais l'événement lui-même nous échappe en tant que tel, mais c'est ce qu'on aime, me semble-t-il, c'est ce que tu viens de rappeler, c'est ce côté éphémère du théâtre, voilà, et c'est dans l'instant présent. Et on évoquait la période du Covid, c'est ce qui a été assez évident, enfin, je pense qu'on le savait avant, mais que bon, il y a eu des choses, mais il n'y a pas ces émotions, encore une fois, c'est quelque chose qu'on a dit tout à l'heure, d'être ensemble et d'avoir, je pense aussi à l'extrait tout à l'heure avec les artistes qui disaient nous ne sommes pas à la télévision, nous sommes devant vous, et si vous faites du bruit, vous nous gênez. Ça, c'est quelque chose qu'on peut adorer, le cinéma, qui a un autre plaisir, mais c'est pas la même chose d'avoir des personnes vivantes à quelques mètres ou quelques centimètres de nous. Eh ben voilà, c'est très bien de le dire et de le redire, et c'est ce que allons au théâtre. Hein, voilà, obligation pour les spectateurs du cours de l'histoire. On vérifiera. Et puis ça fera un moment de plaisir, ça c'est certain. Tout comme vous écoutez l'un et l'autre, Jean-Claude Dion, Nathalie Coutelet. Merci à tous les deux, et merci. On va retrouver tous vos ouvrages sur le site Le cours de l'histoire, franceculture.fr. Merci vraiment. Il est temps pour nous de poursuivre le spectacle, puisqu'arrive Gérard Noiriel. C'est le pourquoi du comment. Pourquoi les Grecs ont-ils inventé la thérapie par le sport? Les médecins nous conseillent vivement aujourd'hui de pratiquer des exercices physiques pour rester en bonne santé, voire même pour soigner certaines de nos maladies. Bien que ce type de thérapie soit souvent considéré comme une nouveauté, l'histoire montre qu'elle était déjà pratiquée dans l'Antiquité. L'une des principales sources qui ont permis aux historiens d'approfondir cette question figure dans les écrits d'Oribase, un médecin grec du IVe siècle de notre ère, célèbre pour ses compilations des textes anciens concernant la médecine et la pharmacologie. On trouve dans cette véritable encyclopédie des connaissances médicales et physiologiques des textes de Galien, qui vécut au IIe siècle après Jésus-Christ. Considéré comme le fondateur de la médecine occidentale, il fut l'un des premiers auteurs à affirmer que les exercices physiques pouvaient avoir des effets positifs pour la santé. Dans ses écrits, Galien accorde une grande place à deux types d'activités sportives d'origine grecque qui furent beaucoup pratiquées à l'époque romaine, le cerceau et les jeux de balle. Ses réflexions sur le sujet furent approfondies par Antile, un autre médecin grec de l'époque impériale. Ce dernier insiste sur les bienfaits des exercices avec une petite balle, car il s'agit là d'un sport qui, selon lui, combine l'adresse et la vitesse, afin de favoriser la bonne tension entre les muscles et les nerfs. Il ajoute qu'il faut s'entraîner jusqu'à ce que ces mouvements soient bien coordonnés et bien rythmés, car ces exercices peuvent permettre de guérir des patients en état de choc ou atteints de mélancolie. La grande différence avec la conception actuelle de la médecine, c'est qu'à cette époque, les soins du corps n'étaient pas séparés des soins de l'esprit. Pour ces thérapeutes de l'Antiquité, les meilleurs de tous les exercices physiques sont ceux qui ne font pas seulement travailler le corps, mais qui sont aussi capables de charmer l'âme. Le privilège accordé aux activités physiques pratiquées avec un cerceau ou une petite balle s'explique parce que ces exercices corporels ont en commun une dimension ludique, bénéfique pour la santé, car ils amusent l'âme tout en entraînant le corps. C'est cette conviction qui incitait ces médecins à établir la liste des qualités que devait posséder l'adepte du cerceau ou le joueur de balle. Il fallait qu'il soit élégant, souple, adroit et avoir le sens du rythme. Mais il ne faut pas oublier que le sport est aussi une activité sociale. De nos jours, ce ne sont pas les mêmes milieux qui pratiquent le golf et le football. Dans l'Empire romain, les jeux de balle et de cerceau étaient appréciés parce qu'ils mettaient en jeu des qualités physiques et mentales, des notions musicales comme l'harmonie et le rythme, et même des principes géométriques, le cercle et la sphère. Voilà pourquoi, au sein des élites de l'Empire romain, ces activités sportives étaient un signe de distinction sociale. Une manière de pratiquer ce que les Grecs appelaient la paideia, cette culture générale mêlant érudition et réflexion que tout citoyen digne de ce nom devait posséder. Merci beaucoup Gérard Noiriel. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Anna Holweck et Laurence Millet, avec aujourd'hui à la technique Dimitri Paz. Le cours de l'histoire préparé par Jeanne Delecroix, Anne Toscan-Vudet, Jeanne Copé, Raphaël Laloum et Mayu Nguizhou. Merci à l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel pour les archives. Le cours de l'histoire écouté à podcaster sur notre site franceculture.fr et l'appli Radio France.